الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القرواني رحمه الله: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأحاديث الأربعة المذكورة من حفظها وحققها جمع أصول الأخلاق والآداب. ففي الأول ضبط اللسان، وفي الثاني ترك الفضول، وفي الثالث ضبط النفس، وفي الرابع سلامة القلب. رزقني الله وإياكم حسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, en parlant de notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم: et tu es certes doté d'une moralité éminente, d'un bon comportement, d'une très belle religion comportant de bons enseignements. D'après l'honorable compagnon Abu Darda, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une chose qui soit plus lourde sur la balance, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, que le bon comportement. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Et d'après la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: certes, le croyant atteint, de par son bon comportement, le degré, la place du jeûneur et de celui qui prie de la nuit. C'est-à-dire que celui qui accomplit ses actes surrogatoires, de faire des jours de jeûne surrogatoire et de prier la prière de la nuit qui est surrogatoire, celui qui se dote, celui qui se comporte convenablement, qui a un bon caractère, un bon comportement, le jour du jugement dernier, il atteindra son degré. Il aura autant de bonnes œuvres que celui qui a fait la prière dans la nuit et qui a jeûné le jour. rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani. Le grand imam honorable Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, ce grand savant malikite du 4e siècle de l'Égypte, qui est originaire de la ville de Qayrawan, dans le Maghreb, en Tunisie, il dit, alayhi rahmatullah, ce qui réunit les bons comportements, les bons mœurs, les bonnes manières, les bonnes œuvres, on les retrouve, toutes ces bonnes œuvres, toutes ces bonnes actions, on les retrouve dans 4 hadiths de base, qui sont la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du bon islam de la personne, de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réponse à celui qui lui a demandé recommandation, à celui qui lui a demandé conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère, ne t'énerve pas. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc, ici s'arrête la parole de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Donc, ces 4 hadiths, celui qui les mémorise, celui qui les apprend et qui les réalise, il concrétise ce qui est voulu par ces hadiths, il les met en pratique, il aura réuni les bases et fondements des bons comportements et des bonnes manières. Dans le premier hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, il y a la retenue de la langue, de retenir sa langue, de la mettre en marche, de parler que lorsque le moment convient, lorsque le bon moment est venu, alors il parle en bien, il réfléchit avant de parler, ou alors qu'il préserve sa langue, qu'il se retienne de parler. Dans le deuxième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du bon islam de la personne de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il y a dans ce hadith le délaissement et l'éloignement des futilités, tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas utile ni bénéfique pour toi, ni dans ta religion, ni dans les choses ou les biens de ce bas monde, alors éloigne-toi-en, éloigne-toi de la mauvaise curiosité mal placée. Et dans le troisième hadith, qui est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme qui lui a demandé conseil, il lui a dit, ne te mets pas en colère, il y a la retenue de la personne, il se retient de faire quoi que ce soit qui pourrait amener une nuisance ou un quelconque mal. Et dans le quatrième hadith, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son frère, pour son prochain, ce qu'il aime pour sa propre personne. Il y a le fait d'avoir et d'être doté d'un cœur sain, d'un cœur qui est bon, d'un cœur qui est pur et propre. Qu'Allah nous accorde à tous, à moi ainsi qu'à vous tous, le bon comportement. اللهم اهدنا الى دينك رضا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله